s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 4. L'effondrement de la biosphère, la destruction de notre habitat. Lorsqu'on discute des possibilités d'effondrement de notre civilisation actuelle, il est instructif de se plonger dans le domaine de l'archéologie et d'écouter les archéologues, celles et ceux qui examinent des artefacts enfouis depuis longtemps et considèrent les signes révélant les conditions environnementales passées. Le brouillard à travers lequel les archéologues scrutent le passé doit laisser une grande place à la créativité, car il leur faut imaginer ce à quoi une société particulière a pu ressembler, ainsi que ce qui aurait pu causer son déclin, puis sa chute. De telles spéculations sont fascinantes et pourraient expliquer pourquoi, lorsque mes travaux sur l'effondrement sociétal induit par le climat ont gagné en reconnaissance, certaines journalistes se sont tournés vers des historiens, historiennes et des archéologues pour savoir si un tel scénario serait plausible aujourd'hui, ce qui en a choqué quelques-uns. Par exemple, l'un des plus célèbres spécialistes de l'effondrement des civilisations, Joseph Tainter, a déclaré lors d'une interview qu'il pensait que l'idée de l'effondrement des sociétés modernes en raison des changements environnementaux n'était pas justifiée. Si j'ai commencé à étudier l'effondrement des civilisations passées, c'était d'une part pour mieux comprendre les chercheurs-chercheuses qui commentaient les risques d'effondrement contemporains, et d'autre part parce que c'était très amusant, du moins pour moi. J'ai découvert qu'il y avait 87 effondrements connus à étudier. Au départ, je ne pensais pas que mon étude des effondrements passés m'éclairerait beaucoup sur notre situation actuelle. En effet, je percevais déjà l'incompatibilité fondamentale entre nos sociétés modernes, fondées sur des systèmes de consommation industrielle, et l'environnement naturel, une incompatibilité dont nos problèmes climatiques ne sont que l'expression la plus prononcée et la plus insoluble. Cependant, à mesure que j'examinais les preuves et les théories sur l'effondrement des civilisations passées, de nouvelles questions sur la relation entre les humains et la biosphère me venaient. J'ai commencé à élaborer une théorie combinant les connaissances venues de l'archéologie et celles d'autres domaines. En découvrant le rôle de la déforestation dans les effondrements passés, j'ai compris comment nos problèmes actuels liés à la pandémie du Covid pouvaient être compris à travers le prisme de notre propre effondrement sociétal en cours. Cela ne veut pas dire que je soutiens l'hypothèse de l'origine naturelle de la maladie, mais nous y reviendrons plus tard. À cause des brumes de la préhistoire, tout récit à propos d'une civilisation passée reflète les valeurs, les préoccupations et les angles morts de l'époque de celles et ceux analysant les données archéologiques. Aujourd'hui, certaines d'entre nous considèrent les civilisations passées depuis une perspective qui prend pour acquise la domination ultime de l'être humain sur la Terre, ainsi que l'invincibilité de la civilisation actuelle. Cependant, d'autres personnes examinent les archives archéologiques en étant bien conscientes que notre époque est marquée par le changement climatique, des pandémies mondiales et des inégalités extrêmes. Quel que soit notre point de vue, il est probable que cela influencera notre façon d'envisager comment les civilisations passées ont pu échouer et la mesure dans laquelle nous pouvons en tirer des leçons applicables aujourd'hui. Je suis donc conscient que mon point de vue est le résultat non seulement de mon analyse des études disponibles, mais aussi de ma subjectivité qui est à l'œuvre, tandis que j'essaye de comprendre l'effondrement en cours des sociétés modernes. Dans ce chapitre, je présenterai les preuves que l'effondrement de la biosphère a commencé il y a plusieurs décennies, et j'expliquerai comment l'étude des civilisations passées peut nous aider à saisir les ramifications d'un tel effondrement pour nos sociétés actuelles. Je décrirai comment les épidémies sont un symptôme de cet effondrement de la biosphère qui se répercute en cascade sur d'autres facteurs de stress pour accélérer l'effondrement de la vie telle que nous la connaissons. Nous sommes la biosphère. L'étude de l'effondrement des civilisations passées est toujours une étude de la relation entre une civilisation et la biosphère dans laquelle elle existe, même si les coups de boutoir qu'elle subit proviennent en particulier d'un conflit civil ou d'une guerre. En effet, c'est la biosphère qui fournit le réservoir de ressources et l'environnement opérationnel stable nécessaire au développement de toute civilisation. La biosphère est le terme employé par les scientifiques pour désigner ce que l'on pourrait décrire comme la peau vivante de la Terre, une couche relativement mince, d'une épaisseur maximale de 20 km, qui abrite toutes les formes de vie, dans l'air, sur Terre et sous les océans. Nous ne vivons pas seulement dans cette biosphère, mais lui devons notre existence et en faisons toujours partie. La biosphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui et qui fournit une base essentielle aux sociétés modernes est cruciale pour la compréhension de notre problème insoluble. Elle exige donc notre attention lorsque nous nous penchons sur le sort des sociétés modernes. La biosphère n'existe pas de manière isolée, mais constitue une partie intégrante et active de l'ensemble du système terrestre. Elle est continuellement façonnée et influencée par les grandes forces agitant la planète, et simultanément, en retour, elle agit sur nombre de ces mêmes forces et les influence. Par exemple, elle a contribué à créer notre atmosphère respirable, le climat stable et favorable des 10 000 dernières années que nous appelons l'Holocène, et la fertilité de nos terres et de nos océans. En outre, elle assure un cycle continu du carbone, de l'eau et des nutriments dont nous et les autres espèces dont nous dépendons avons besoin. La biosphère a émergé bien avant l'apparition évolutive des êtres humains et elle se perpétuera sans nous lorsque notre espèce se sera elle aussi éteinte, comme les hominidés précédents. Le problème n'est pas que la biosphère elle-même cessera d'exister, mais plutôt que les modifications de la biosphère causées par les humains modernes ont un impact sur son fonctionnement. L'abattage des forêts a des conséquences sur les régimes pluviométriques à l'échelle continentale. Lorsque l'on chasse les baleines jusqu'à leur quasi-extinction, cela a des conséquences sur les cycles des nutriments dans les océans. Et comme c'est le cas pour le climat, la civilisation industrielle a provoqué des changements si rapides et si profonds dans la biosphère que nos actions sapent de manière significative et peut-être irréversible sa capacité à continuer de subvenir à nos besoins. L'activité humaine a toujours eu un impact sur la biosphère, mais ce n'est qu'avec l'avènement de la civilisation industrielle que nos impacts sont devenus importants au point de commencer à miner sa résilience et à pervertir les systèmes globaux qui soutiennent toute vie sur Terre. C'est la révolution industrielle qui a débuté dans les années 1700 qui a libéré l'extraordinaire puissance des combustibles fossiles, menant à un développement technologique et à une croissance démographique rapide. Cette capacité technologique fait que l'être humain est aujourd'hui la principale cause des changements affectant la planète, ce qui a donné lieu à la désignation d'une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Les statistiques qui le démontrent sont vraiment stupéfiantes. Sur Terre, plus de 75% de la surface libre de glace est directement altérée par l'activité humaine et environ la moitié des terres habitables par les plantes sont utilisées pour l'agriculture. Près de 90% de la production primaire nette terrestre et 80% de la couverture arborée mondiale sont sous l'influence directe de l'être humain. Depuis 1900, les humains modernes ont déboisé un tiers des forêts de la planète, une superficie équivalente à celle de l'ensemble des États-Unis. Soit la même superficie de forêt que l'humanité avait déboisée au cours des 9000 années précédentes. Ces activités humaines, à l'échelle à laquelle elles se produisent, ont eu un impact dévastateur sur l'environnement mondial. Lorsque je m'intéressais à la géographie en tant qu'écolier dans les années 1980, je me souviens d'avoir lu des articles sur telle ou telle espèce en voie de disparition et sur la déforestation tropicale. On espérait que le monde était en train de se réveiller. Mais voilà que je me retrouve en 2020 à lire les dernières études sur l'état de la planète et c'est moi qui suis brutalement rappelé à la réalité. Il n'y a eu aucun progrès au cours des 40 dernières années. La situation est un vrai cauchemar. J'ai appris que les populations d'animaux sauvages ont diminué en moyenne de 68% au cours de ma vie. J'ai pris connaissance de statistiques bizarres et ahurissantes. Par exemple, le poids combiné des êtres humains est aujourd'hui 10 fois supérieur à celui de tous les mammifères sauvages réunis. Et si l'on ajoute la masse de notre bétail, les mammifères sauvages ne représentent plus que 4% de la masse de tous les mammifères de la planète. Les oiseaux d'élevage, quant à eux, pèsent 3 fois plus lourd que tous les oiseaux sauvages. Les populations d'insectes ont chuté à l'échelle mondiale d'au moins 45% au cours des dernières décennies et jusqu'à 70% selon certaines études. Aucune partie de l'océan n'échappe non plus à l'influence de l'être humain. Les flottes de pêche industrielle et la demande accrue de produits de la mer ont entraîné l'effondrement ou l'exploitation totale de plus de 90% des pêcheries marines de la planète. Au niveau plus fondamental de la santé des écosystèmes, les concentrations d'oxygène en haute mer et dans les eaux côtières diminuent, tandis que l'acidité et la température des océans augmentent et que les zones mortes océaniques se multiplient. La plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, au nom plutôt imposant, a été créé par les membres de l'ONU pour nous tenir informés sur ces catastrophes. L'organisme a développé des mesures pour nous aider à comprendre la situation de la biosphère et ses implications pour les sociétés modernes. Il a conclu que la capacité de la nature à soutenir notre qualité de vie a diminué dans 14 des 18 catégories qu'il surveille. De nos jours, l'évocation de l'ONU tend à susciter des inquiétudes au sujet d'une hypothétique domination mondiale. Mais au moment où j'écris, négationnistes et complotistes n'ont pas encore commencé à discréditer ces données, peut-être parce que l'IPBES ne nous menace qu'avec des rapports déprimants que personne ne lit. La plupart des gens, contrairement à vous et moi, ne se préoccupent pas du carnage que les êtres humains modernes ont engendré au sein du monde vivant. Ils ou elles ne rappellent pas non plus à l'ordre leur gouvernement, quand ces derniers s'en moquent éperdument, préférant servir leurs élites et se disputer le pouvoir géopolitique. C'est profondément stupide, car ces bouleversements ont déjà des conséquences énormes pour nous, les humains. Et n'oublions pas que d'après les écologues, l'effondrement d'un écosystème se produit rapidement lorsque des seuils sont atteints. Ainsi, il se pourrait qu'un jour, tout à coup, il soit trop tard pour changer notre mode de vie. L'histoire de l'Homo sapiens depuis le début de la révolution industrielle semble n'être guère plus qu'une version high-tech de ce que l'on appelle le dépassement écologique, c'est-à-dire la situation dans laquelle une certaine espèce impose de telles demandes à un écosystème que ce dernier en perd la capacité à se régénérer et à continuer de répondre aux besoins de cette même espèce. Nulle espèce, humaine ou autre, ne peut augmenter sa population de manière exponentielle sans se heurter aux limites biophysiques de son environnement. L'argument principal contredisant l'existence de telles limites est que le cerveau humain serait la ressource ultime et qu'il pourrait créer une infinité de nouvelles ressources et de sources d'énergie à partir de la matière et des forces qui ne nous étaient pas accessibles auparavant. Cette perspective de la ressource ultime est un article de foi. Et ses adeptes pourraient s'y raccrocher, même cernés d'indicateurs concernant un effondrement généralisé de la biosphère. Cependant, certaines études affirment que l'humanité a déjà atteint ses limites biologiques vers 1970 et que, depuis lors, nous sommes en situation de dépassement écologique. Cela signifie que l'humanité consomme plus de ressources que la planète n'en produit et rejette plus de déchets qu'elle ne peut en absorber. Ce qui présage donc d'un crash inévitable et catastrophique. L'une des approches permettant de comprendre cet équilibre délicat est la mesure de l'empreinte écologique. Selon thefootprintnetwork.org, la population humaine consomme actuellement environ 1,75 fois les ressources de la Terre. considérée pays par pays, l'empreinte moyenne par habitant, en hectares globaux ou GHA, varie considérablement. De 0,48 GHA par personne au Timor-Leste à 15,82 GHA au Luxembourg. Chiffre de 2018. Malheureusement, mais sans surprise, on constate une relation directe entre le niveau de développement économique d'un pays et son empreinte écologique. Les pays membres de l'OCDE, qui sont plus riches, consomment en moyenne plus du double des ressources de la Terre par habitant, 3,4 terres, que les pays non membres de l'OCDE, 1,6 terres. Cette relation est encore plus évidente lorsqu'on compare le PIB par habitant et l'empreinte écologique des pays. À une exception près, tous les pays dont l'empreinte écologique est inférieure à une terre ont un PIB par habitant inférieur à 5 000 US$. L'exception étant l'Uruguay avec une empreinte de 0,8 et un PIB par habitant de 14 618 US$. À titre de comparaison, le PIB moyen par habitant des pays de l'OCDE est de 39 691 US$. Au chapitre 1, nous avons examiné l'indice de développement humain, IDH, des Nations Unies, qui prend en compte l'espérance de vie, l'éducation et divers indicateurs économiques, et nous l'avons comparé au PIB. Mais on peut aussi comparer cet indice à l'empreinte écologique des pays. On parle d'un niveau de développement élevé, entre guillemets, lorsque la valeur de l'indice est égale ou supérieure à 0,7. Tous les pays, sauf un, dont l'IDH est supérieur à 0,7, utilisent plus d'une terre de ressources pour y parvenir, ce qui est également le cas de nombreux pays dont l'IDH est inférieur à 0,7. Les Nations Unies affirment clairement que, je cite, aucun pays n'a atteint un IDH très élevé sans contribuer fortement aux pressions qui entraînent des changements planétaires dangereux. Fin de citation. Un groupe de chercheurs chevronnés écrivant dans la revue de référence Nature Sustainability ont aussi déclaré que, je cite, « aucun pays ne répond actuellement aux besoins fondamentaux de ses résidents-résidentes à un niveau d'utilisation des ressources qui pourrait être étendu de manière durable à l'ensemble des populations de la planète. » Fin de citation. On ne pourrait être plus clair. Le mode de vie de l'humanité moderne est manifestement et terriblement insoutenable. Ces données prouvent que même la réalisation des objectifs de développement des Nations Unies, si nobles en apparence, comme ceux incarnés dans les 17 objectifs de développement durable, nécessitent de dépasser la capacité de la Terre à nous soutenir. Le terme « durable » accolé à ces objectifs leur donne donc une allure de tragique oxymore. Malheureusement, la communauté mondiale des experts-expertes travaillant sur ces questions vit dans un déni implicatif. En effet, ils et elles prétendent publiquement que les sociétés industrielles de consommation sont le modèle de développement mondial qu'il faut suivre, alors que la planète est déjà en train d'être détruite par les pressions actuelles exercées par ces sociétés. Les Nations Unies n'ont pas su se résoudre à nommer le seul pays qui a atteint un IDH supérieur à 0,7 sans utiliser plus de ressources que la Terre ne peut en fournir à sa population, car il s'agit de Cuba. Certes, ce pays souffre d'un manque inacceptable de liberté politique, mais si on l'ignore pour cette raison, alors on ne prendra même pas en compte les facteurs spécifiques impliqués dans son modèle de développement, tels que le blocage par le passé de son accès aux combustibles fossiles ou encore son manque d'intérêt pour un développement basé sur l'export. Ces mêmes experts-expertes évitent soigneusement de faire le lien entre le déclin de notre biosphère et la baisse mondiale de l'IDH et d'autres indicateurs similaires depuis 2015. Car cela reviendrait à admettre la réalité, à savoir que les sociétés modernes ont commencé à s'effondrer. Bien que les gouvernements ignorent toujours la recherche scientifique, des budgets restent disponibles pour que nous autres, intellectuels, ne cessions d'inventer de nouvelles façons de mesurer le déclin de notre maison planétaire. Peut-être cela nous empêche-t-il de nous concentrer simplement sur la vérité des données, des modèles et des prédictions dont nous disposons déjà. C'est certainement le cas de la science du climat, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. L'approche des limites planétaires est l'un de ces nouveaux cadres permettant de quantifier à quel point la vie est au bord du gouffre. Cette approche définit 9 systèmes planétaires clés et les limites de chacun d'entre eux, démarquant l'espace de fonctionnement sûr pour la civilisation humaine. Selon ses auteurs-autrices, je cite, « Transgresser une ou plusieurs limites planétaires peut être délétère, voire catastrophique. En effet, nous courons alors le risque de franchir des seuils qui déclencheront des changements environnementaux non linéaires et abrupts dans des systèmes d'échelle continentale à planétaire. » Fin de citation. Leur recherche indique que l'activité humaine depuis la révolution industrielle nous a amenés à transgresser 5 de ces 9 limites, à savoir l'intégrité de la biosphère, le changement climatique, les changements d'utilisation des sols, les cycles biogéochimiques et ce qu'ils et elles appellent les entités nouvelles, telles que les produits chimiques toxiques. 2 autres zones systèmes, la consommation d'eau douce et l'acidification des océans, se trouve actuellement dans la zone de sécurité, mais se détériore rapidement. Et le 8e, la charge en aérosol dans l'atmosphère, n'a pas encore été quantifié. Seul un système, l'ozone stratosphérique, se trouverait dans la zone de sécurité et en voie d'amélioration. Néanmoins, nous sommes bien loin de l'espace de sécurité indispensable à notre survie. Lorsque mon équipe de recherche et moi-même avons pris connaissance de ces résultats, nous n'avons ressenti aucune surprise. Nous devenons insensibles à une réalité qu'on modélise de manière toujours plus éloquente, sans que cela entraîne le moindre changement significatif. C'est pourquoi je peux comprendre si certaines de ces informations ne vous affectent pas plus que ça, vous non plus. Essayons donc d'éclaircir et de donner du sens à tout cela. Selon l'une des versions du récit du dépassement écologique, il faut se concentrer sur le rôle de l'arrivée d'une ressource non renouvelable, les combustibles fossiles, dans l'exploitation et la destruction à grande échelle de la nature. Depuis notre naissance, vous et moi vivons sur le dos de centaines d'esclaves énergétiques fournis par le pétrole. Chapitre 3. Comme nous le verrons au chapitre 9, l'Homo sapiens n'avait en fait pas besoin d'utiliser les combustibles fossiles de la façon dont nous, la version moderne de notre espèce, l'avons fait. Malheureusement, nous n'avons pas eu la moindre modération. Face à l'évidence du caractère destructeur de l'humanité moderne, certains, certaines, estiment que les nouvelles technologies résoudront le problème. Par exemple, en découplant la satisfaction de nos besoins de l'utilisation des ressources naturelles. Cependant, comme nous l'avons vu au chapitre 3 sur l'énergie, les données pertinentes démontrent qu'il s'agit d'une croyance non scientifique. La foi en la technologie n'est pas fondée sur des preuves, mais sur un fanatisme contemporain. Nous sommes en proie à des croyances profondes selon lesquelles l'être humain est à même de dominer la nature et de vivre un progrès perpétuel. Chapitre 13. En réalité, toutes les merveilleuses technologies des dernières décennies n'ont pas empêché, mais au contraire parfois facilité, le déclin rapide de la santé et de la productivité de notre environnement, tel que je l'ai décrit plus haut. Il y a matière à s'inquiéter. Si la population humaine est en situation de dépassement écologique, alors une correction est inévitable. L'ampleur et la gravité de cette correction vont dépendre de la rapidité avec laquelle nous pourrons réduire notre surconsommation actuelle pour la rendre compatible avec les réserves actuelles de ressources, mais aussi de la capacité de la Terre à maintenir ce niveau de ressources à l'avenir, compte tenu des dommages historiques et actuels que nous causons encore à la biosphère. Plus nous restons longtemps dans cette situation de dépassement, plus nous dégradons notre base de ressources et réduisons la capacité de charge de notre planète. On peut avancer qu'une Terre en bonne santé aurait pu fournir suffisamment de ressources pour soutenir une population humaine de 8 milliards de personnes ou plus, si ces personnes ne vivaient pas selon le mode de consommation moderne. mais ce n'est certainement pas le cas pour une terre dégradée et souffrante. Les signes avant-coureurs. Les chercheurs-chercheuses qui étudient les systèmes complexes, tels que les écosystèmes naturels, expliquent que des changements de régime peuvent se produire d'un état relativement stable à un autre. Il s'agit de changements soudains, discontinus et apparemment irréversibles. En écologie, un changement de régime implique généralement un effondrement des populations de différentes espèces, ainsi qu'une réorganisation de la vie selon des formes visiblement très différentes, c'est-à-dire un nouveau régime. Par exemple, une forêt tropicale humide pourra devenir une prairie de savane en raison d'un changement dans les précipitations ou d'un autre facteur perturbateur. Ces changements de régime sont précédés de ce que l'on appelle des signes avant-coureurs. L'un d'entre eux est le ralentissement critique, RC, un allongement du temps nécessaire à un écosystème pour se remettre de chocs externes. Un autre signal est un phénomène de vacillement, où chaque choc externe produit les dégâts plus importants. L'indice planète vivante, IPV, combine des données sur l'abondance de plus de 10 000 populations d'espèces sauvages différentes à travers le monde, dans tous les principaux types d'écosystèmes. Comme il a été lancé en 1970, nous pouvons observer à une macro-échelle ce qui se passe depuis lors dans la biosphère au niveau mondial. En effet, toute évolution de l'abondance relative des populations d'espèces est, selon les termes feutrés du WWF, l'ONG environnementaliste qui compile l'indice, un indicateur précoce de la santé globale des écosystèmes. En d'autres termes, cette évolution peut constituer un signe avant-coureur de l'effondrement des écosystèmes. En examinant les données des 50 dernières années, nous pouvons voir des preuves d'un tel signe avant-coureur. C'est particulièrement évident dans la manière dont les données ont été présentées en 2006. Pour les écosystèmes marins et terrestres, les premiers signaux d'alerte sont apparus sur l'indice en 1972 et se sont manifestés pendant 3 ans, puis un déclin brutal est survenu. L'indice des eaux de mer a connu une reprise mineure et de courte durée au milieu des années 90, alors que l'indice terrestre chutait encore plus rapidement qu'auparavant. En ce qui concerne la santé des écosystèmes d'eau douce, les premiers vacillements de l'indice ont commencé en 1979, avant qu'un déclin précipité ne débute en 1984. Bien que ces signaux d'alerte puissent être observés dans les courbes des indices spécifiques, ils sont cachés dans les représentations graphiques les plus récentes de ces données. En particulier, l'IPV composite masque ces dynamiques spécifiques aux écosystèmes et le lissage de l'IPV avec des intervalles de confiance les masque encore davantage. Par conséquent, la façon dont ces courbes sont présentées aujourd'hui pourrait même donner la fausse impression d'un déclin qui ralentit, plutôt que celle d'un effondrement faisant suite à une période antérieure de vacillement de la santé des écosystèmes et à un ralentissement critique de leur récupération. Pour confirmer cette impression, comparons les graphiques de l'IPV spécifiques aux écosystèmes qui sont présentés dans la figure 7 de la version papier de ce livre, avec des graphiques schématiques permettant de différencier un effondrement systémique d'une situation de stabilité, de rebond ou de déclin. Ces graphiques ont été présentés dans la plus grande méta-analyse multidisciplinaire évaluée par des pairs des travaux sur l'effondrement des écosystèmes. Il est évident que les données de l'IPV indiquent un effondrement systémique, même quand on lisse les moments de vacillement et de ralentissement critique. Étant donné que les ensembles de données dont il est question ici sont très vastes, ils concernent des milliers de populations, et qu'ils décrivent l'ensemble de la planète, les chercheurs-chercheuses s'interrogeront et contesteront à juste titre la véracité de toute affirmation concernant ces vastes systèmes. Néanmoins, L'interprétation que je donne ici est un point de vue plausible. Il est indéniable que la biosphère n'a pas connu de rétablissement significatif à l'échelle mondiale depuis le début des relevés. Il est également indiscutable que si l'on veut utiliser l'IPV comme un indicateur d'alerte précoce de la santé des écosystèmes, comme l'affirme le WWF, il est alors nécessaire de procéder à l'analyse scientifique des données pour déceler les signes de vacillement et de ralentissement critique de la régénération. Il faut aussi dire clairement la réalité des effondrements et des changements de régime quand ils surviennent. Cependant, conclure que nous sommes au milieu d'un effondrement biosphérique mondial et pas seulement d'une crise laisse peu de place à la positivité au sens traditionnel du terme. C'est peut-être la raison pour laquelle les rapports officiels des organisations impliquées dans l'IPV n'ont pas mis l'accent sur cette interprétation des données. Le regard moderne des professionnels de la durabilité est fermement fixé sur la résilience, même quand les données sont très préoccupantes. C'est la raison pour laquelle une importante étude sur le sujet a conclu que, je cite, « l'effondrement a reçu relativement peu d'attention dans la littérature sur le développement durable ». Fin de citation. Les rares analyses existantes de tous les éléments de preuve provenant de différentes sciences concluent généralement que bien qu'un effondrement de la biosphère à l'échelle de la planète soit plausible, la science ne sera jamais en mesure de se prononcer avec certitude sur cet effondrement ou de prédire sa temporalité. Cela ne signifie pas qu'un tel effondrement n'est pas certain ou que nous ne pouvons pas faire une supposition raisonnée, mais qu'il est difficile de tirer des conclusions sur l'avenir avec les méthodologies de la science concernant un système vivant infiniment complexe. Nos modèles et protocoles d'analyse ne constituent pas, en eux-mêmes, ce qui est réel. Pourtant, les affirmations qu'ils nous rendent capables de faire sont perçues comme définissant la réalité. En tout état de cause, il existe suffisamment de preuves pour conclure que l'effondrement de la biosphère mondiale a déjà commencé et qu'il ne s'agit pas d'une conjoncture sur l'avenir. Cette prise de conscience est fondamentale si nous voulons comprendre nos propres sociétés, car l'effondrement de la biosphère mondiale est un effondrement de l'un des fondements des sociétés de consommation industrielle. Mais c'est bien plus encore, car nous sommes, nous aussi, la biosphère. Si la toile de la vie dont nous faisons partie est déjà en train de s'effondrer, il n'est pas surprenant que les indicateurs du bien-être humain soient en baisse à l'échelle mondiale, chapitre 1. Et que l'anxiété et la santé mentale posent également un problème croissant, chapitre 7. Et si vous ressentez cela en ce moment, c'est que vous êtes conscient, consciente de votre intrication, interbeing, avec la nature. Je vous invite à respirer un moment avant de continuer à explorer les implications de ce que je viens d'expliquer. Certains, certaines, experts, expertes, nous encourageront peut-être à revenir à la positivité en affirmant que nous pouvons résoudre l'effondrement de la biodiversité grâce à la technologie. Mais il est évident que la technologie ne peut remplacer ni les pollinisateurs, ni les écosystèmes complexes. Cet encouragement revient donc simplement à découpler la croissance économique et le maintien de notre niveau de vie de l'utilisation des ressources naturelles afin que la nature ait une chance de se rétablir. Mais, comme nous l'avons vu au chapitre 1, rien ne prouve qu'un tel découplage soit possible, et encore moins dans le cadre de notre système économique expansionniste actuel. C'est pourquoi une importante étude de modélisation s'appuyant sur une simulation de la NASA concernant l'utilisation des ressources mondiales a conclu que si le changement technologique peut accroître l'efficacité de l'utilisation des ressources, je cite, « il tend également à augmenter la consommation de ressources par habitant-habitante et l'ampleur de l'extraction des ressources. Par conséquent, en l'absence de mesures politiques, l'augmentation de la consommation compense souvent l'utilisation plus efficace des ressources. » Fin de citation. L'intoxication de notre biosphère est une autre façon dont nous, humains modernes, empoisonnons notre propre avenir. La plupart d'entre nous sont au fait des nombreux polluants qui sont présents dans notre environnement et générés par nos sociétés industrielles. Mais deux types de polluants sont particulièrement pertinents à prendre en compte dans notre réflexion sur les risques d'effondrement, car nous ne pouvons pas nous en débarrasser, même si nous le voulions. Cela signifie que le mal est déjà fait, dans une mesure difficile à quantifier. Les premiers qu'il faut mentionner sont les produits chimiques éternels, qui persistent à jamais dans l'environnement et sont toxiques pour la vie, y compris pour nous-mêmes. Ils proviennent à l'origine des entreprises DuPont et 3M, qui fabriquent des produits tels que le téflon et d'autres produits chimiques fluorés. Ils sont encore utilisés aujourd'hui dans de nombreux produits de consommation, des poils à frire aux masques de protection, et se retrouvent dans tous nos flux sanguins. Si vous avez connu des problèmes reproductifs ou hormonaux, une baisse de l'immunité, une augmentation du cholestérol, un cancer ou de graves problèmes hépatiques ou rénaux, les produits chimiques fabriqués par ces entreprises depuis les années 1950 y ont peut-être contribué. Le deuxième type de pollution à prendre en compte est celui des microplastiques, c'est-à-dire les minuscules particules en lesquelles les plastiques se décomposent, sont ingérées et s'accumulent dans les organismes, y compris les nôtres, avec des effets néfastes sur la santé. La pollution plastique, dont au moins 20% proviennent de l'industrie de la pêche, est aujourd'hui si terrible que si les tendances actuelles se poursuivent, la masse de plastique dans les océans dépassera la masse des poissons d'ici 2050. Selon une estimation, chaque semaine, nous ingérons l'équivalent d'une carte de crédit en volume de microplastiques. Les effets sur la santé de l'accumulation de microplastiques dans la biosphère et dans notre corps pourraient être similaires à ceux des produits chimiques éternels. Dans les deux cas, les éléments toxiques s'accumulent dans la chaîne alimentaire, de sorte que les mammifères situés au sommet de la chaîne, tels que les humains, seront inévitablement affectés dans une certaine mesure, et surtout d'une manière croissante avec le temps, même si des réductions de la pollution avaient lieu immédiatement. Chacun des effets de ces polluants sur la santé pourrait devenir gravissime, au point non seulement d'entraîner des drames dans la vie des personnes, mais aussi de causer des perturbations sociales. Je pense notamment à la baisse rapide de la fécondité, qui est particulièrement préoccupante en matière de perspective sociétale. Une méta-analyse de centaines d'études a révélé que le nombre de spermatozoïdes dans le sperme humain à l'échelle mondiale a diminué d'environ 50% depuis les années 1970. Cela ne concerne pas seulement la reproduction, car la baisse de la fertilité masculine prédit également une diminution de l'espérance de vie chez l'homme. Les causes peuvent être multiples, mais le fait que les pays du Sud n'aient rattrapé les pays du Nord qu'au cours des 20 dernières années suggère des causes liées au mode de vie moderne, comme la téléphonie mobile. Les effets des polluants ne sont jamais isolés des autres pressions exercées sur la santé humaine par d'autres éléments toxiques, les radiations et le mode de vie. Cette combinaison de facteurs pourrait, à terme, dégrader la santé publique et réduire les niveaux de population au point de bouleverser des pays entiers. La question de savoir si cela contribuerait ou non à l'effondrement de ces sociétés pourrait n'être élucidée qu'après un tel événement, ou bien rester à jamais un mystère, selon l'état de nos futures capacités d'analyse scientifique. Heureusement, certaines scientifiques travaillent sur des moyens de rendre les produits chimiques moins éternels et d'éliminer les microplastiques comme par magie. Mais il est très peu probable qu'ils et elles réussissent. La croyance écomoderniste selon laquelle nous pouvons échapper aux dommages futurs causés par la pollution passée relève donc davantage de la pensée magique que de la science. Pour protéger leur identité et leur vision du monde, les écomodernistes ont tendance à ignorer à quel point la biosphère est déjà gravement endommagée, et pas seulement par les contaminations toxiques, et ce que cela signifie pour notre avenir. Pour y voir plus clair, il est peut-être utile d'examiner à nouveau les théories qui expliquent pourquoi les sociétés se sont effondrées dans le passé. l'histoire de l'effondrement et ses rimes. Le concept de changement de régime surgit aussi dans les études sur l'effondrement des civilisations passées, qui considèrent que les sociétés gagnent en complexité avant de se simplifier avec une relative soudaineté. Il est donc aussi parfois utilisé dans les discussions portant sur les raisons de l'effondrement des civilisations, lorsque les archéologues recherchent ces signes avant-coureurs, par exemple au niveau de la taille des populations humaines. Il peut sembler un peu archaïque de se plonger dans un passé sombre et lointain pour tenter de comprendre le présent ou de prédire l'avenir. Mais cette démarche m'a permis d'envisager la santé écologique actuelle et les récentes pandémies sous un jour nouveau. Il existe un large éventail d'idées sur les raisons de l'effondrement de diverses civilisations dans le passé. Toutes ces théories se heurtent à une difficulté, un faible nombre de traces, surtout pour les effondrements qui se sont produits à l'époque que nous appelons la préhistoire et pour lesquels il n'existe pratiquement pas de documents écrits. De ce fait, toutes les théories qui ont pu être formulées reflètent la culture et les intérêts des chercheurs, chercheuses, étudiants ces données. Par exemple, si nous pensons que le progrès est linéaire, cette perspective informera la manière dont nous examinons le passé. Nos théories risquent également de privilégier les aspects d'une société passée qui laisse une trace dans les archives archéologiques ou géologiques. Ainsi, les historiens, historiennes de la monnaie se sont traditionnellement concentrés sur les pièces de monnaie sans tenir compte du fait qu'une grande partie des systèmes monétaires fonctionne grâce à du papier et d'autres matériaux périssables ou des accords verbaux. En outre, la rareté du dialogue entre nos disciplines académiques entraîne aussi l'apparition de divers angles morts. Par exemple, avant l'essor de l'archéoastronomie au cours des dernières décennies, les archéologues n'accordaient qu'une attention limitée à la manière dont les civilisations disparues pouvaient prêter attention à l'astronomie. L'examen le plus complet des théories de l'effondrement dans différentes disciplines a ainsi mis en évidence l'absence d'interpolation systématique des idées entre l'étude des effondrements historiques et les sciences environnementales contemporaines. Et ce, bien que deux des théories les plus populaires sur l'effondrement des civilisations soient qu'elles résultent souvent, au moins partiellement, d'un changement climatique ou d'une surexploitation de l'environnement local. En lisant les études sur l'effondrement des civilisations passées, j'ai été surpris de découvrir que les traces d'une déforestation importante étaient une caractéristique fréquente des périodes précédant la fin de nombreuses civilisations. Cependant, corrélation n'est pas causalité, et les archéologues ne savent pas pourquoi la déforestation contribuerait à l'effondrement d'une civilisation. Au fil des ans, ils et elles ont émis des hypothèses à propos de l'effet des pertes de forêts sur le climat local, l'érosion des sols, les inondations, ainsi que sur la disponibilité du bois, de la nourriture et d'autres produits forestiers. Par exemple, prenons Panjikent, une ville de Laos située sur la route de la soie en Asie centrale, qui a prospéré entre 500 et 1000 après Jésus-Christ, approximativement. Des chercheurs, chercheuses, ont suggéré que l'érosion du sol a eu un impact clé sur son déclin. Un autre exemple, plus célèbre et mieux documenté, est celui de la civilisation maya classique. Une analyse récente suggère que dans le cas de cette civilisation d'Amérique centrale, disparue il y a plus d'un millier d'années, les niveaux de déforestation aurait gravement exacerbé les sécheresses qui se produisaient en raison du changement climatique régional. Nous examinerons plus en détail dans ce chapitre comment la déforestation a pu jouer un rôle dans la chute de la civilisation maya. Tout d'abord, il est important de noter que ce phénomène et son rôle dans les effondrements passés ne sont plus des sujets très populaires auprès des chercheurs et des chercheuses. L'une des raisons est que la capacité à modéliser les climats passés s'est accrue au cours des années 1990, ce qui a conduit à se concentrer sur la question du climat. Une autre raison est le démenti auquel ont fait face certaines théories populaires qui voyaient la déforestation comme unique cause d'effondrement, notamment concernant la civilisation de l'île de Pâques dans l'océan Pacifique. Comme c'est souvent le cas pour des sujets comme celui-ci, le pendule est peut-être en train de basculer de l'autre côté. Des chercheurs et chercheuses critiquent désormais ce qu'ils et elles perçoivent comme une insistance excessive sur le changement climatique en tant que facteur explicatif général. Bien qu'il faille garder à l'esprit ces débats scientifiques, je pense que pour mieux comprendre le mécanisme par lequel la déforestation peut déstabiliser une société, nous devons nous tourner vers la discipline de la santé environnementale. Grâce à des recherches approfondies, nous savons aujourd'hui que la déforestation augmente considérablement la propagation des agents pathogènes de l'animal à l'être humain, ce que l'on appelle les zoonoses. Ce processus comporte plusieurs aspects. Avec l'abattage des forêts, de plus en plus d'humains entrent en contact avec des animaux sauvages, augmentant ainsi le risque d'infection. Mais un phénomène plus important pour les nouvelles épidémies se produit lorsque l'habitat des animaux se réduit en superficie et se dégrade en qualité. Les animaux qui vivent dans les forêts sont en moins bonne santé, que ce soit parce qu'ils ont moins à manger, parce qu'ils doivent faire plus d'efforts pour se procurer de la nourriture et de l'eau, ou parce qu'ils subissent un stress physique et mental lié au changement. Un plus grand nombre d'animaux en mauvaise santé au sein d'une population signifie qu'ils sont plus susceptibles d'être infectés par des agents pathogènes et de les transmettre, de sorte que des maladies peuvent s'installer. Cela entraîne également une hausse des mortalités infectieuses. De ce fait, les animaux peuvent héberger des agents pathogènes qui évoluent vers de nouveaux variants. En étant en moins bonne santé, ils répandent également plus d'agents pathogènes lorsqu'ils respirent, éternuent, urinent, défèquent ou sont mangés. Quant aux humains qui entrent en contact avec ces animaux, ils et elles peuvent donc être exposés à des niveaux plus élevés d'excrétion de nouveaux pathogènes. Les animaux domestiques vivant au contact de l'être humain peuvent également se trouver infectés. En supprimant leurs habitats, la déforestation peut également modifier les comportements des animaux et leur schéma de migration, ce qui exacerbe les problèmes décrits ci-dessus, tout en créant des occasions d'interaction nouvelles avec les personnes et leurs animaux domestiques. Les recherches sur la relation entre la destruction écologique et les maladies épidémiques devraient nous alarmer. Elles suggèrent en effet que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de maladies infectieuses. Cela permet de replacer la pandémie du Covid dans son contexte, et nous y reviendrons dans un instant. Pour l'heure, alors que nous essayons de comprendre la disparition des civilisations passées, ce lien avec la maladie nous offre une possibilité d'expliquer comment la déforestation a contribué à l'effondrement des sociétés passées. Aujourd'hui encore, les épidémies peuvent entraîner des réactions de panique et de confusion. Nous pouvons donc imaginer quelles réactions ont pu se produire dans un passé lointain. Ainsi, ce n'est pas seulement l'impact direct sur la santé et la mortalité qui importe, mais aussi les réactions de peur dans la population. En règle générale, lorsque les responsables constatent que quelque chose d'inquiétant se produit, ces personnes peuvent réagir de manière défensive et aggraver le problème, comme nous le verrons au chapitre 13 dans le cas de la Grande Peste de Londres. Par ailleurs, lors de l'apparition d'une maladie, les gens fuient les zones peuplées. Des mouvements massifs de population pendant les épidémies peuvent également entraîner des conflits entre les communautés, ainsi que des perturbations de l'agriculture et donc de l'approvisionnement en nourriture. Si la maladie et la réaction qu'elle a suscitée ne suffisent pas à mettre fin à une société, d'autres facteurs tels que le changement climatique, les inondations ou les conflits peuvent sceller son destin. Il n'est donc pas étonnant que, lorsque nous disposons de documents écrits à analyser, la maladie soit souvent considérée comme une cause de l'effondrement des civilisations. Parmi les exemples célèbres, on peut citer les pestes antonines, 165 à 180 après Jésus-Christ, et de Cyprien, 249 à 262 après Jésus-Christ, qui ont contribué à la chute de l'Empire romain d'Occident, et la peste de Justinien, 541 à 542 après Jésus-Christ, qui a contribué à celle de l'Empire romain d'Orient et de l'Empire perse sassanide. Les ravages causés aux peuples autochtones des Amériques par l'introduction post-colombienne de maladies provenant à la fois de l'ancien monde, variole, rougeole, coqueluche et peste bubonique entre autres, et de l'Afrique tropicale, paludisme, fièvre jaune, dengue, cécité des rivières, etc., sont tout aussi célèbres. En revanche, il est plus difficile d'identifier les maladies survenues au cours de la préhistoire. Néanmoins, un exemple m'a intrigué en raison de la corrélation qu'il affiche entre maladie et déforestation, l'effondrement de la civilisation maya. À plusieurs reprises, au cours d'un siècle de recherche sur cette célèbre civilisation, des chercheurs et chercheuses ont été tout près de conclure que la déforestation avait pu déclencher des épidémies, entraînant son effondrement. Comme nous l'avons mentionné plus haut, il existe des preuves solides d'une déforestation occasionnée dans l'arrière-pays des principales villes mayas. Les ossements humains témoignent également d'une mauvaise santé affectant toutes les classes sociales, y compris dans les sépultures luxueuses de la ville de Copan. Une classe sociale plus élevée aurait été synonyme d'un meilleur régime alimentaire, même en période difficile. La mauvaise santé des élites est un signe de maladie répandue, plutôt que d'une faim due à la sécheresse ou à l'érosion des sols aggravée par la déforestation. Les sécheresses, par exemple, n'ont pas perduré sur tout le siècle qu'a duré l'effondrement maya, et les régions voisines au nord, plus sèches, n'ont pas connu d'effondrement. Il est utile de rappeler que les gens dépendaient moins qu'aujourd'hui de l'agriculture pluviale, car loin des villes, les forêts regorgeaient d'animaux sauvages et étaient gérées de manière à répondre aux besoins vitaux des humains, un aspect négligé par les chercheurs-chercheuses jusqu'à des travaux relativement récents. Une autre explication est possible. Dans les années 1970, certains et certaines experts ont noté que les Mayas, en développant leur agriculture et de nouvelles colonies, ont pu créer un environnement dit « perturbé », dans lequel les insectes parasites et porteurs d'agents pathogènes prolifèrent souvent. Grâce aux dernières découvertes scientifiques sur l'apparition de maladies zoonotiques à partir de ces perturbations, nous savons qu'il s'agit de la cause la plus probable d'une présence persistante de nouveaux agents pathogènes. Les changements climatiques qui se produisaient à l'époque pourraient également avoir exacerbé les conditions propices à l'apparition de nouvelles épidémies, ce que nous examinerons plus en détail dans un instant. Il est difficile d'imaginer comment la société maya, il y a plus de 1000 ans, aurait pu réagir à des vagues incessantes d'épidémies. Certains, certaines, y auraient peut-être vu l'effet d'une malédiction ou d'un mauvais esprit, transmise par contact rapproché, ou la condamnation par la nature ou les dieux d'un mode de vie. Quoi qu'il en soit, à l'instar des épidémies que nous connaissons mieux dans l'histoire, il y aurait probablement eu un exode des villes. Se réfugier dans les forêts aurait-il pu sembler une option viable? Aujourd'hui, nous aimons nos supermarchés, nos lumières, nos toilettes, nos matelas connectés et nos téléviseurs. Sans ces commodités, il serait plus facile de devenir des habitants et habitantes de la forêt. Or, nous avons aujourd'hui des preuves que de nombreuses forêts tropicales ont été des écosystèmes gérés par l'être humain pendant des dizaines de milliers d'années, et donc que la connaissance d'un mode de vie viable dans les forêts était sans doute très répandue. À un moment donné, de nombreuses Mayas ont décidé de rester dans la forêt. Auraient-ils fini par l'apprécier davantage? Peut-être que notre idéologie urbaine et moderniste nous a fait négliger cette possibilité toute simple. Au cours des dernières décennies, la théorie de la maladie comme facteur expliquant l'effondrement maya est tombée en désuétude. Contrairement à la guerre, à la famine, à la sécheresse ou aux inondations, une épidémie ne laisse guère de traces claires dans les archives archéologiques et géologiques de la préhistoire. En effet, la présence d'armes et d'os fracturés évoque la guerre. Les squelettes rabougris trahissent la famine. Et les sédiments nous renseignent sur les inondations et les écosystèmes. Mais la maladie. Si certaines infections laissent des traces révélatrices dans les restes humains, il est souvent très difficile de déterminer les organismes responsables lorsqu'on envisage qu'une maladie a pu frapper, C'est peut-être la raison pour laquelle le lien spécifique entre déforestation, maladie et effondrement n'a pas été beaucoup discuté par les spécialistes des effondrements passés. Cela signifie que nous avons négligé un récit édifiant pour notre époque. La panique à l'ère des pandémies. Au cours du dernier siècle, nous avons connu la déforestation la plus importante jamais enregistrée sur Terre depuis que l'Homo sapiens existe. Avant le développement des civilisations humaines, notre planète était recouverte de 60 millions de kilomètres carrés de forêt, mais un tiers de cette superficie est maintenant déboisée. Compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui de la relation entre la déforestation et les maladies, cette dévastation écologique pourrait-elle annoncer la fin de la civilisation industrielle mondiale du fait de l'apparition de nouvelles zoonoses? La preuve serait à chercher du côté de l'épidémiologie et du nombre de nouveaux foyers de maladies apparus ces dernières années par rapport au passé. Lorsque mon équipe s'est penchée sur la question, nous avons trouvé de mauvaises nouvelles, puis d'autres encore plus mauvaises. Tout d'abord, les mauvaises nouvelles. Les deux dernières décennies ont vu apparaître davantage de foyers d'agents pathogènes nouveaux provenant d'animaux sauvages. Par exemple, trois nouvelles épidémies de coronavirus se sont déclarées chez l'être humain depuis le début du millénaire. Le SARS en 2022, le MERS en 2012 et le SARS-CoV-2 en 2019. Alors qu'aucune n'avait été enregistrée auparavant. Rien qu'en 2020, trois grandes épidémies se sont déclarées dans le monde. Celle dont nous avons tous et toutes entendu parler, mais aussi l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo et la plus forte poussée de fièvre de Lassa jamais enregistrée au Nigeria. Les scientifiques reconnaissent de plus en plus que les nouvelles maladies sont dues non seulement à la perte d'habitat, mais aussi au réchauffement climatique. L'impact des changements météorologiques sur la santé des chauves-souris, leur migration et leurs interactions avec d'autres espèces en est un bon exemple. Certaines scientifiques affirment que le risque d'infection humaine par de nouveaux coronavirus provenant des populations de chauves-souris est en augmentation. En raison de l'impact du changement climatique sur la répartition géographique des chiroptères, et sur l'adéquation de leur habitat. Du fait de ces changements, différentes colonies de chauves-souris entrent en contact les unes avec les autres, ainsi qu'avec d'autres animaux et des aires d'habitation humaines. Des événements stressants, tels que des conditions météorologiques extrêmes, peuvent aussi entraîner des infections persistantes chez les chiroptères, ce qui facilite ensuite la dissémination d'agents pathogènes. De tels changements ont déjà conduit à une forte prévalence de la diffusion de coronavirus par les chauves-souris en Australie occidentale. C'est pourquoi j'ai suggéré, dans un essai publié en 2020, que si le SARS-CoV-2 provenait directement d'une origine naturelle, alors le rôle des changements écologiques et climatiques était essentiel à prendre en compte. Il s'agit là d'un grand « si », sur lequel nous reviendrons dans un instant. Quelle que soit l'origine de ce virus en particulier, les scientifiques qui travaillent sur la question des nouveaux agents pathogènes issus de milieux naturels ont conclu que la situation est appelée à s'aggraver considérablement. Une étude détaillée publiée en 2022 prévoit qu'au cours des 50 prochaines années, le changement climatique et la dégradation de l'environnement augmenteront au moins 4000 fois la transmission interespèces de nouveaux virus. Malheureusement, on ne peut rien faire, ou pas grand-chose, à ce sujet. Contrairement à nos attentes, un réchauffement inférieur à 2 degrés Celsius au cours du siècle ne réduit pas les nouveaux partages viraux dans leur modèle. Il s'agit d'une augmentation gigantesque du nombre de pandémies qui sont rendues encore plus probables par les fortes densités de population, les voyages internationaux modernes et l'élevage industriel intensif. Ces données scientifiques nous rappellent une vérité évidente. Nous faisons partie de la biosphère et, en la dégradant et en la perturbant, nous en subissons nous-mêmes les conséquences. De nombreux scientifiques travaillant dans le domaine de la virologie sont conscientes de ce problème de santé environnementale. Selon les avertissements d'une étude, je cite, « une augmentation des maladies infectieuses, si elle est suffisamment importante, pourrait contribuer à des cascades de défaillances intégratives conduisant à un effondrement civilisationnel au niveau régional, voire mondial. » Mais malgré de telles inquiétudes, les scientifiques ne réagissent pas nécessairement de manière utile. Ce qui nous amène à la nouvelle qui est encore pire, la manière dont certaines bureaucrates dans les institutions scientifiques répondent à cet état de fait augmente les risques pour nous toutes et tous. En effet, ils et elles financent des travaux qui augmentent l'infectivité ou la létalité des virus dans le but de générer des connaissances pour le développement de futurs vaccins. Certaines des recherches effectuées sont réellement effrayantes, comme la création de souches du très dangereux virus de la grippe H5N1, mieux adapté à la transmission par aérosol. En infectant un furet dans une cage avec la grippe, puis en collectant le virus sur d'autres furets dans des cages voisines à des distances données, les chercheurs-chercheuses ont sélectionné de nouvelles variantes du virus qui pouvaient se propager dans l'air sur ces distances. Et pourquoi ont-ils fait des recherches sur les furets ? Parce que ces derniers sont l'analogue animal le mieux connu de la transmission de la grippe par aérosol d'une personne à l'autre. Ainsi, la recherche a délibérément créé de nouvelles souches d'un virus de la grippe déjà très dangereux, plus à même de se transmettre entre humains. Ces recherches ont conduit l'administration Obama à annoncer un moratoire aux États-Unis et de nombreuses scientifiques à affirmer qu'un travail aussi dangereux ne devrait jamais être effectué. Mais les recherches se poursuivent encore aujourd'hui, alors que même le monde continue de subir les conséquences du Covid. Le danger provient des fuites inévitables survenant dans les laboratoires. Malgré des normes de biosécurité bien établies et en constante amélioration, de nombreux membres du personnel de laboratoire sont accidentellement infectés par des agents pathogènes potentiellement dangereux sur leur lieu de travail. Au moins 8 chercheurs et chercheuses sont décédés depuis 2004 et de nombreux manquements aux normes de biosécurité ont été enregistrés, ce qui a ou aurait pu entraîner la fuite d'organismes potentiellement dangereux. Le respect des normes est imparfait, des erreurs sont commises et des accidents se produisent. De toute évidence, la situation concernant ces infections acquises en laboratoire, IAL, est certainement pire que ce qui est décrit dans les articles sur le sujet. De nombreuses personnes ne trouveront guère surprenant que la Chine ait l'habitude de dissimuler les épidémies et d'entraver les enquêtes et les rapports à ce sujet. Mais les expertes qui analysent la question estiment que la sous-déclaration des IAL est très répandue. L'analyse des rapports d'incidents des laboratoires états-uniens montre qu'il y a plus de 2 fois par semaine, rien qu'aux États-Unis, une libération ou une perte possible d'agents pathogènes, constituant une menace grave pour la santé et la sécurité publique. Pour 1000 années laboratoires dans les laboratoires de niveau de sécurité 3, BSL3, qui constitue le 2e plus haut niveau de biosécurité après le niveau de sécurité 4, BSL4, au moins 2 infections accidentelles sont signalées. Pour replacer ces chiffres dans leur contexte, il faut savoir qu'en 2007, les États-Unis comptaient au total 1356 établissements BSL3 enregistrés. Cela équivaut donc à plus de 2 infections accidentelles par an d'agents pathogènes représentant une menace grave. Et ce, uniquement aux États-Unis. Quelle est donc la probabilité de fuite de laboratoires susceptibles de perturber les sociétés du monde entier? Les estimations varient considérablement en raison du manque de données. Une étude a utilisé les données relatives aux infections dans les laboratoires BSL3 pour estimer une probabilité de 0,01 à 0,1% par année laboratoire de créer une pandémie qui causerait entre 2 millions et 1,4 milliard de décès. Étant donné qu'il pourrait y avoir plus de 5000 laboratoires BSL3 et BSL4 dans le monde, on peut s'attendre, sur la base de cette étude, à ce qu'entre 0,5 et 5 foyers épidémiques se produisent par an dans le monde. Il s'agira peut-être de maladies faciles à gérer et qui n'entraînent pas d'épidémie ou de pandémie. Mais que se passe-t-il lorsqu'on associe les fuites d'agents pathogènes à la création délibérée par certains laboratoires d'entités susceptibles de provoquer une pandémie? De risque hypothétique, une pandémie d'origine humaine devient une quasi-certitude. Alors pourquoi autorise-t-on les scientifiques à faire ce travail? L'épidémiologiste le plus célèbre des premières années du Covid est sans doute Anthony Fauci, qui a dirigé la réponse états-unienne à la pandémie. En 2020, il rédigeait un article dans lequel il s'inquiétait du début d'une ère de pandémie en raison des changements écologiques et climatiques. C'est en partie pour cette raison qu'il justifiait la mise en œuvre de recherches dangereuses sur les coronavirus. Je ne connais ni le docteur Fauci, ni son équipe. Mais selon certaines études en psychologie, l'anxiété face à une situation peut conduire à des réponses contre-productives si cette anxiété est réprimée au lieu d'être exprimée. Ce phénomène, appelé évitement expérientiel, est connu pour être répandu chez les hommes qui ont réussi dans la culture patriarcale. Cela peut les amener à adopter des comportements à haut risque lorsqu'ils sentent que leur sécurité, leur identité, leur statut ou leur vision du monde sont menacées. D'autres recherches en psychologie prouvent aussi que lorsque certaines personnes se perçoivent comme particulièrement exposées à certains risques, elles peuvent elles-mêmes prendre des risques plus importants, comme le montrent des contextes comme ceux des jeux d'argent et de la finance. Si je mentionne cela, ce n'est pas pour détourner l'attention de la gravité de la situation à laquelle l'humanité est actuellement confrontée, mais pour montrer que les réactions des élites peuvent être contre-productives, un thème sur lequel nous reviendrons au chapitre 13. Le Covid pourrait-il finir par briser le monde? Au moment où j'écris ces lignes en 2023, la théorie de la fuite de laboratoire et celle de l'origine naturelle du Covid sont encore débattues. En raison d'une caractéristique du virus, de nombreuses personnes ont conclu qu'il provenait d'un laboratoire, même s'il a pu infecter des chauves-souris qui auraient ensuite infecté des humains. En effet, en février 2021, un article scientifique a indiqué qu'un morceau de code sur la protéine spike du virus n'existait pas à l'état naturel de ce type de coronavirus et pouvait être produit en laboratoire. Le président de la Lancet COVID-19 Commission, qui a étudié les origines du virus, a également confirmé publiquement qu'il pensait que le virus du SARS-CoV-2 avait été conçu à l'aide d'une technologie de laboratoire provenant des États-Unis. La théorie de la fuite de laboratoire a initialement été présentée comme raciste et complotiste, mais cela ne fait qu'illustrer la manière dont les médias traditionnels et les autorités mobilisent la psychologie morale pour manipuler certaines personnes. Celles qui sont susceptibles d'être invitées par leur père à se montrer « éthiquement supérieures », entre guillemets. Une tendance que nous examinons plus en détail au chapitre 8. Nous devons nous attendre à des pandémies plus fréquentes à l'avenir, qu'elles soient le fait d'une nature perturbée ou de scientifiques tout aussi perturbés, agissant sur la base de leurs craintes concernant l'état de cette nature. Comme nous l'avons vu, si le Covid est d'origine naturelle, son apparition a été favorisée par la déforestation et le changement climatique qui affecte la santé et les migrations des chauves-souris. Mais si le virus provient de recherches en laboratoire, entreprises en raison des craintes suscitées par ces changements dans les milieux naturels, il s'agit là aussi d'un résultat de ces perturbations sous-jacentes qui ont conduit à des réactions imprudentes. Le Covid pourrait donc être un exemple contemporain d'un schéma de déforestation vecteur de maladie, laquelle est un vecteur d'effondrement civilisationnel. Mais le Covid est-il vraiment si redoutable? Malheureusement, les données les plus récentes suggèrent que la maladie qu'il entraîne pourrait être très débilitante pour des millions de personnes, accélérant ainsi l'effondrement progressif des sociétés modernes. Comme le Covid est là pour durer, il convient d'examiner de plus près son impact sur la société. Avec un taux de létalité relativement faible à court terme, les premiers effets de la maladie elle-même ne constituaient pas une menace pour la société. Mais aujourd'hui, plusieurs hypothèses ont été identifiées portant sur la manière dont la pandémie pourrait contribuer à l'effondrement de la société. Premièrement, il y a la nature du virus lui-même et le fait qu'il pourrait affecter la santé et la vitalité des gens à long terme, tout en affaiblissant notre système immunitaire de manière générale. Il est peut-être même cancérigène. Deuxièmement, il y a aussi les effets à long terme, encore indéterminés, de certains nouveaux vaccins qui ont déjà été associés à des effets négatifs importants sur la santé. Il y a enfin les effets plus vastes des réponses politiques à la pandémie. Je pense notamment à leur impact énorme sur les finances publiques, aux virages autoritaires qu'ont pris les principaux médias, les grandes plateformes technologiques et certaines parties du grand public. Et enfin, au contre-coup de tout cela. Le tout génère un mélange explosif. Comme il s'agit d'un sujet très clivant, il est rare que les informations pertinentes soient rassemblées en un seul endroit. Je vais tenter de le faire ici, brièvement, afin qu'on puisse mieux appréhender la nature des risques liés au Covid. Un an après le début de la pandémie, des éléments de preuve ont commencé à montrer que le virus pouvait endommager les systèmes cardiovasculaires, les systèmes nerveux et les capacités mentales. En outre, il est apparu que les symptômes à long terme, appelés Covid long, de la maladie, pouvaient avoir trait non seulement aux dommages causés par la période d'infection initiale, mais aussi à ceux causés par l'établissement de réservoirs viraux dans les cellules endothéliales, persistant dans l'organisme pendant de nombreux mois, jusqu'à ce que ces cellules endothéliales meurent naturellement. Cette situation est particulièrement préoccupante, car il a été prouvé que le virus pouvait perturber l'immunité naturelle et adaptative de l'organisme contre les infections. Cela pourrait conduire à des infections virales, bactériennes et fongiques secondaires, plus fréquentes chez les patients-patientes, à la suite de l'infection initiale par le Covid. Pire encore pour la santé publique, cela signifierait que d'autres agents pathogènes pourraient atteindre un taux de croissance exponentiel au sein d'une population, en raison du degré plus élevé d'immunodéficience après les infections par le Covid, et ensuite évoluer vers de nouvelles souches. Un autre sujet préoccupant est la publication en 2022 de preuves selon lesquelles le virus a probablement été génétiquement modifié pour inclure un morceau de matériel génétique qui perturbe l'un des mécanismes de nos cellules visant à lutter contre l'apparition de cancer. Cela m'a choqué lorsque j'en ai pris connaissance pour la première fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que la protéine spike du virus contient une séquence d'ARN dont l'origine naturelle est hautement improbable, comme l'affirment des chercheurs-chercheuses de haut niveau dans une revue scientifique à comité de lecture. Ce morceau d'ARN bien particulier rend le virus plus apte à attaquer les cellules humaines, rendant ainsi la maladie plus infectieuse et plus virulente que les autres coronavirus. Mais c'est loin d'être la seule raison de s'inquiéter de cette partie du virus qui est vraisemblablement artificielle. Dans notre corps, un cancer se produit lorsque nos cellules ne se répliquent pas correctement et commence à se dérégler. La première ligne de défense contre le cancer se trouve donc à l'intérieur de nos cellules, qui possèdent deux types de protéines complexes qui détruisent tout ADN déviant. L'un de ces deux processus de lutte contre le cancer est perturbé par ce nouveau morceau d'ARN présent dans le virus et probablement issu de la bio-ingénierie. À l'heure où j'écris ces lignes, l'ampleur de l'effet cancérigène reste inconnue. On ne sait pas non plus dans quelle mesure les vaccins pourraient produire un effet similaire avec les protéines spike qu'ils génèrent dans notre corps pour imiter celles du virus SARS-CoV-2. L'un des facteurs déterminants concernant cet effet du virus ou du vaccin est la durée pendant laquelle ces protéines restent dans l'organisme. S'il y a un effet sur l'apparition de cancer, il faudra peut-être des années avant que cet effet n'apparaisse dans les données publiques, si tant est qu'il apparaisse. Un autre point dont on ne discute ni dans les cercles d'experts-expertes ni dans les médias, au moment où j'écris ce livre, est que cette séquence dangereuse et probablement artificielle dans la protéine spike pourrait être produite par le biais d'une technologie brevetée par un fabricant de vaccins, Moderna. Cela indique que si le virus provient d'un laboratoire, comme cela semble probable, il serait le résultat d'une technologie états-unienne. Si ce fait n'a pas été largement débattu, c'est peut-être parce qu'il alimenterait des théories du complot sur l'origine du virus et sur d'éventuelles intentions cachées, justifiant les campagnes de vaccination de masse à l'aide de la nouvelle technologie de l'ARNm. Si les jeunes commencent à contracter des cancers à des taux très inhabituels, cela pourrait même susciter des protestations et une rébellion contre les autorités sanitaires, les établissements médicaux et les entreprises concernées dans le monde entier. Sans parler de tensions géopolitiques exacerbées. Si c'est la première fois que vous entendez parler de ces aspects du virus et éventuellement des vaccins, cela montre la puissance de la propagande et de la censure exercées par les entreprises au cours des premières années de la pandémie, qui ont garanti une ignorance généralisée de la science, de la vaccinologie et des risques liés à tout nouveau vaccin. Outre les statistiques sur les lésions causées par les vaccins à court terme, qui étaient très préoccupantes, les effets incertains à long terme des nouveaux vaccins commençaient à être pris au sérieux par le corps médical. La coagulation sanguine et les lésions cardiaques avaient été identifiées comme des effets secondaires rares, ce qui donnait lieu à des hypothèses sur les dommages à long terme causés par la persistance potentielle des protéines de certains vaccins dans les organes du corps entier. L'importance inconnue de la nature cancérigène de la protéine du virus a également suscité des inquiétudes quant à l'éventualité d'un problème à plus long terme lié à certains vaccins. On craignait également que certains vaccins ne compromettent la capacité de l'organisme à lutter contre de futurs variants du Covid. Cela peut se produire si le système immunitaire des personnes vaccinées tente de combattre des versions antérieures d'un virus qui mute de manière à échapper à leur réponse immunitaire. Il peut également s'agir d'un processus complexe au cours duquel les anticorps provenant d'infections ou de vaccinations antérieures aident accidentellement les futures versions du virus à infecter les cellules immunitaires. En 2022, les impacts cumulés du virus lui-même et des vaccins potentiellement contre-productifs se trouvaient reflétés dans les données relatives à l'emploi dans de nombreux pays. Par exemple, de nombreuses statistiques montraient une augmentation de la durée des arrêts de travail pour cause de maladie. Toutefois, le phénomène le plus nouveau dans de nombreux pays était celui du nombre de personnes quittant leur emploi. La page Wikipédia consacrée à ce phénomène de grande démission est fascinante par les données qu'elle cite venant du monde entier. 1 million de personnes ont ainsi démissionné dans le secteur technologique en Inde en 2021 et 6% de la main-d'œuvre allemande ont donné leur démission cette année-là, ce qui représente plus du double du taux normal. Une étude a montré que l'épuisement était un facteur contribuant à la démission. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, le système économique a besoin d'expansion pour sa stabilité. Il y a donc peu de résilience systémique face à une perturbation d'origine infectieuse. Ce qui aurait pu être un ralentissement en douceur pourrait devenir un crash, à cause du système monétaire. Les réponses politiques à la pandémie ont eu des effets plus vastes sur la société. Il s'agit notamment des impacts qui ont affecté les finances publiques ainsi que le système monétaire décrit au chapitre 2. Ces impacts ont entraîné une inflation déstabilisatrice et sapent les fondations de ce même système monétaire. Les restrictions imposées sur les voyages, le commerce, la circulation et la scolarisation dans de nombreuses régions du monde ont également eu des répercussions importantes en matière de santé et de bien-être, en particulier sur les petites entreprises et les travailleurs indépendants et travailleuses indépendantes. Le nombre de pauvres dans le monde est passé à plus de 800 millions de personnes en 2020, soit bien plus que les 672 millions initialement prévus. La Banque mondiale estime qu'il y avait près de 100 millions de personnes en situation de pauvreté induite par le Covid en 2021. Entre 2019 et 2022, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de 150 millions. La maladie n'a pas, à elle seule, fait basculer ce nombre de personnes dans la pauvreté ou la faim. Mais les politiques mises en œuvre en réponse à la pandémie y ont contribué, au même titre que les effets du climat et des conflits. Un virage autoritaire chez les médias grand public, les grandes plateformes technologiques et une grande partie de l'opinion publique a fait que les options politiques ont rarement été discutées de manière ouverte. Au lieu de cela, des personnes ont été diabolisées et censurées pour leur désaccord avec un paradigme politique axé sur les restrictions de mouvement, les masques et les vaccinations de masse, plutôt que sur d'autres mesures. Par exemple, une alimentation renforçant le système immunitaire, la possibilité pour les travailleurs travailleuses de rester à la maison s'ils ou elles présentaient des symptômes, l'emploi de médicaments existants sûrs et bon marché, et des protections ciblées pour les personnes les plus vulnérables. La réaction des autorités nous rappelle à nouveau le problème de la panique des élites, phénomène bien connu en période de crise. Quand une telle panique se déclare, les autorités aggravent les problèmes par leur réponse à la crise, parce qu'elles veulent être perçues comme agissant de manière décisive alors qu'elles cherchent avant tout à consolider leur propre pouvoir. C'est un sujet que nous examinons plus en détail au chapitre 13, car il est très pertinent à une époque d'effondrement sociétal. Cette réaction illustre également le problème de la capture réglementaire par les entreprises. De fait, les mesures politiques se sont trouvées parfaitement en phase avec les buts lucratifs des grandes sociétés pharmaceutiques. Confinement, masques et vaccinations obligatoires, ainsi que les fausses déclarations sur la sûreté et l'efficacité des vaccins et la suppression des approches alternatives, ont tous servi à augmenter la demande de vaccins qui ont généré des profits sans précédent pour leurs fabricants. La manière dont cette situation contribue à la désagrégation des sociétés et la constitue est une question que nous examinerons plus en détail au chapitre 7. Ce que je souhaite noter ici, c'est que la réaction contre l'orthodoxie des autorités a conduit à la croissance de réseaux qui, à juste titre, rejettent les points de vue des experts-expertes travaillant main dans la main avec les agences gouvernementales. Cela a des implications à la fois positives et négatives, notamment sur la manière dont les sociétés peuvent répondre à d'autres crises, telles que la crise écologique décrite dans ce chapitre et le suivant. À tout le moins, la polarisation entre les personnes qui acceptent ou rejettent l'orthodoxie du Covid a créé un nouveau schisme dans la société, qui peut être exploité par les élites ou les intérêts commerciaux de part et d'autre de ce fossé. Malheureusement, cela ne peut que nuire à la capacité des sociétés modernes à réagir intelligemment à de nouvelles fissures, à leur surface comme dans leurs fondations. La fracture sociétale due à l'expérience de la pandémie de Covid est telle que nous n'avons même pas besoin d'envisager certaines des idées les plus spéculatives sur les raisons de l'apparition du virus ou sur les raisons et la manière dont de telles mesures politiques ont été mises en œuvre. Nul besoin de recourir à des théories sur une cabale mondiale tentant d'éliminer délibérément la population humaine. Nous pouvons tout simplement constater comment l'impact de la destruction de la biosphère et la panique survenue en réponse aux effets de cette destruction peuvent créer les conditions d'un effondrement sociétal. Il se peut donc qu'à l'échelle mondiale, nous ayons été témoins d'un exemple contemporain de déforestation menant à l'effondrement, à la fois par l'impact d'une maladie et par les mauvaises réponses politiques qu'elle a entraînées. Les effets à long terme du Covid, comme ceux éventuels de certains vaccins, pourraient faire subir de graves perturbations aux sociétés modernes. Si l'on remet la récente pandémie en perspective, il est également clair que nous continuerons à connaître des vagues successives de nouveaux agents pathogènes en raison des dommages causés à la nature, ainsi que des fuites à venir dans les laboratoires. Comme je ne vois guère de reconnaissance honnête des erreurs et des manipulations qui ont été commises, que ce soit de la part des principaux médias, des scientifiques ou des autorités, je n'ai aucune raison de croire que les réponses politiques aux pandémies futures seront moins contre-productives. En effet, le pouvoir de l'argent qui façonne la science, l'opinion publique et la politique de manière incontrôlée demeure en place. Peut-être que de meilleures réponses n'émergeront que lorsque l'effondrement de la société sera tel que ses formes de pouvoir se trouveront fracturées. Quelles que soient les conséquences à long terme du Covid et les effets de certains des nouveaux vaccins utilisés contre lui, on peut constater que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère. En nous organisant en société de consommation industrielle, nous avons créé une vaste population humaine, densément regroupée et fortement interconnectée, qui est une cible facile pour les maladies infectieuses. Nous avons créé de vastes populations d'animaux hôtes alternatifs, densément regroupés et génétiquement homogènes, qui agissent comme des incubateurs d'agents pathogènes humains. Nous augmentons continuellement notre exposition et celle de nos animaux d'élevage aux animaux sauvages et aux maladies qu'ils transportent, et nous avons considérablement accru le risque que les animaux sauvages transportent et propagent de potentiels agents pathogènes humains. Nous devons donc considérer que nous sommes entrés dans une ère de pandémie qui a également déclenché des risques supplémentaires d'épidémie en raison des recherches imprudentes menées par certains et certaines virologues. Les vagues de pandémie à venir et les réactions de panique qu'elles susciteront ne feront qu'aggraver les dommages causés aux sociétés humaines, car ce qui arrive à la toile de la vie nous arrive à nous-mêmes. Quand la nature meurt, nous mourrons aussi. La biosphère dont dépendent toutes les sociétés humaines est en train de s'effondrer, comme en témoigne la perte de biodiversité, les réductions catastrophiques des populations d'animaux sauvages et la perte des « services naturels » entre guillemets, qui ne peuvent être fournis que par des écosystèmes sains et intacts. Cette perte et cette dégradation sont dues au développement économique, les sociétés modernes ayant une empreinte écologique bien plus importante que tout autre. Nos recherches montrent qu'il est impossible de développer une société de consommation industrielle sans dépasser la capacité naturelle de la planète à nous supporter. Par conséquent, à l'échelle mondiale, nous avons désormais franchi les limites de sécurité de la majorité des systèmes planétaires essentiels à notre survie. En effet, il y a des preuves indiquant que les premiers signaux d'alerte de l'effondrement de la biosphère mondiale sont apparus dans les années 1970 et que l'effondrement proprement dit est en cours depuis lors. Il est illusoire de penser que l'Homo sapiens est séparé de la biosphère. Nous en faisons partie. Par conséquent, l'effondrement de la biosphère a des implications pour l'avenir de nos sociétés et peut-être même de notre espèce. En 2012, un groupe interdisciplinaire de scientifiques du monde entier s'est accordé sur la plausibilité d'un point de basculement à l'échelle planétaire dans la biosphère qui conduirait à l'effondrement de la civilisation. Comme dans toutes les études sur ces questions, les scientifiques ont conclu que ce point n'avait probablement pas encore été atteint et qu'il était encore temps de l'éviter. Il s'agit de l'obligatoire dénouement à la sauce Hollywood sur lequel se conclut tout travail dans le domaine des sciences de l'environnement quand il est mené pour le compte des institutions dominantes. Ce n'est que lors d'interviews sur leurs travaux que les scientifiques disent que les processus sur lesquels ils et elles nous mettent en garde pourraient avoir déjà commencé. Pourtant, la même fin optimiste et hollywoodienne ressurgit lorsque ces chercheurs-chercheuses discutent des changements nécessaires. Par exemple, une méthode portant sur l'ensemble des dommages causés à la biosphère planétaire a conclu, je cite, « qu'il sera très difficile pour la société industrielle mondialisée existant à l'heure actuelle, à forte densité énergétique, d'effectuer une transition vers la durabilité ». Fin de citation. Les recherches que j'ai effectuées pour les trois derniers chapitres m'amènent à conclure que ce ne sera pas difficile. C'est en fait impossible. En outre, l'effondrement de la biosphère entraîne le nôtre. Et il existe des éléments de preuve selon lesquels la biosphère mondiale a commencé à s'effondrer il y a quelques décennies. Telle est notre situation avant même de considérer notre inextricable problème climatique, chapitre 5, ou l'ampleur des réactions inadaptées qui se produisent à l'échelle sociétale, chapitre 7 et 13. La maladie est l'un des moyens par lesquels l'effondrement de la biosphère entraîne l'effondrement de la société. Une façon de stimuler le débat sur cette question est de combiner les preuves archéologiques avec les sciences environnementales contemporaines, afin de comprendre que la concomitance de la déforestation avec les effondrements des civilisations passées peut être due à son impact sur la génération d'épidémies. La déforestation mondiale sans précédent est probablement à l'origine des vagues plus fréquentes de nouveaux agents pathogènes. Ces derniers peuvent eux-mêmes endommager les sociétés, tandis que certaines réponses humaines à la crainte de pandémies d'origine écologique peuvent elles aussi causer des ravages. Par exemple, les fuites occasionnées dans les laboratoires menant des recherches incroyablement risquées, car elles augmentent la létalité des virus. Les réponses ineptes des autorités et des organisations influentes, guidées par le pouvoir de l'argent, qui s'exprime à travers l'industrie pharmaceutique, les médias dominants et les entreprises mondiales de la Big Tech, aggravent ensuite la situation, et pas seulement au plan sanitaire. Comme nous l'avons vu très clairement avec la pandémie du Covid, les effets d'une perturbation unique, telle qu'une nouvelle maladie, peuvent se répercuter en cascade sur d'autres facteurs, tels que l'économie, chapitres 1 et 2, ou l'approvisionnement en énergie, chapitre 3, et en nourriture, chapitre 6, et exercer une pression cumulative sur les structures sociétales. Le nouveau multiplicateur de tous ces facteurs de stress est le changement climatique mondial, que nous examinerons dans le chapitre suivant. Se concentrer sur l'un ou l'autre de ces piliers en ruine des sociétés modernes ne nous donnera pas une idée complète de la faiblesse de l'ensemble de la structure. C'est pourtant ce qui s'est produit au sein des courants dominants dans le monde de la recherche, dont les scientifiques se confinent à d'étroites limites disciplinaires et ignorent ainsi les interactions qui sont si importantes pour appréhender la réalité. Au chapitre 7, nous examinerons plus en détail ces limites de la recherche en ce qui concerne la compréhension de l'effondrement progressif des sociétés modernes.